Interlude. Le conseil. Joram Ali se plaça face au droïde Com chargé de transmettre son image à Coruscant dans la salle située tout en haut du grand temple de l'ordre où le conseil Jedi se rassemblait pour délibérer. Elle-même se trouvait à bord de l'Ataraxia, l'élégant et magnifique vaisseau Jedi, presque un temple à lui tout seul. L'appareil était sorti de l'hyperespace près de Felucia dans l'unique but de permettre à Jorah d'assister à cette réunion avec une stabilité maximale et un signal aussi clair que possible. C'était, selon toute vraisemblance, le dernier vote auquel elle participerait en tant que membre du Conseil Jedi. Le flambeau stellaire allait très bientôt ouvrir ses portes, et à partir de cet instant, Jorah se retirerait officiellement du Conseil pour assumer la direction des quartiers Jedi à bord de la gigantesque station spatiale. Joram Ali n'avait pas pu prendre part à de nombreux votes par le passé. Même si elle prenait son rôle très au sérieux, elle estimait généralement servir la lumière de manière plus efficace sur le terrain galactique plutôt qu'assise à l'intérieur du temple Jedi. Mais les délibérations de ce jour étaient particulièrement importantes, et le conseil entier avait été rassemblé. Les personnes qui ne pouvaient être présentes physiquement sur Coruscant projetaient leur image par le biais d'holotransmission prioritaire, comme le faisait Jorah. Le droïde com de Jorah affichait en retour une image de la chambre du conseil. Une élégante pièce circulaire, dont les immenses fenêtres à chaque mur offraient une vue ininterrompue sur le paysage urbain de Coruscant. Il faisait jour au temple, et le soleil se déversait dans la salle, illuminant la magnifique mosaïque qui en recouvrait le sol. Les fenêtres avaient également un sens symbolique. Le Haut Conseil exerçait ses activités au grand jour et n'avait rien à cacher. 12 fauteuils étaient disposés à intervalles réguliers tout autour de la pièce, la forme et la taille de chacun étant adaptées à son occupant. Yarael Pouf, Ranakant, Oppo Rancisis, Kiton Mourag et Adali Caro étaient physiquement présents. 6 autres, y compris elle-même, assistaient à la réunion sous forme d'hologramme avec un autre droïde dans la chambre du conseil projetant leur image au reste des participants. 11 membres du conseil, soit tous, sauf maître Rosason, prise par des négociations diplomatiques délicates dont elle ne pouvait s'éclipser. Jorah pensa à son padawan, Rhys Sylas. Elle aurait aimé qu'il soit là avec elle. Il aurait pu apprendre beaucoup de choses en observant une réunion du conseil. Pour tout dire, le jeune homme lui manquait, voilà tout. Rhys avait 17 ans. C'était un bon élève qui ne semblait pas totalement emballé à l'idée de quitter Coruscant pour suivre son maître sur le flambeau stellaire. Il ne montrait que peu d'intérêt pour les frontières de la République. Enfin, cela n'avait rien d'étonnant, Rhys avait 17 ans, après tout. Aucune station spatiale, aussi exotique soit-elle, ne faisait le poids face à la plus grande cité de la galaxie. Elle l'avait laissé sur Coruscant afin qu'il puisse profiter encore un peu de la planète capitale avant d'aller la rejoindre dans la bordure extérieure, un petit cadeau qu'elle avait été heureuse de lui faire. Mais peu de temps avant son départ du noyau, Rhys s'était retrouvé embarqué dans une mission aux côtés de 2 autres Jedi plus expérimentés, Komak Vitus et Orla Jareni, tous 2 chevaliers. Elle avait quelques réserves vis-à-vis d'Orla, mais Komak avait la tête sur les épaules. Tout irait bien pour Rhys, même si le jeune homme devait se sentir un peu frustré de ne pas avoir pu pleinement profiter de ses derniers instants dans le noyau. En même temps, c'était le lot des Jedi. Mieux valait pour lui s'y habituer rapidement. Elle jeta un coup d'œil à Skeer, qui, assis face à elle de l'autre côté de la table, observait silencieusement ses longs bras aux pattes griffues croisés sur sa poitrine. Il avait l'air imposant, comme toujours. Une masse de muscles à la peau écailleuse et aux dents pointues vêtues d'une tunique de Jedi. Les Trandoshans étaient rares dans l'ordre, car la culture de leur planète s'était bâtie autour des notions de prédation et de suprématie, 2 idéaux qui ne collaient pas toujours très bien avec les préceptes Jedi. Même lorsque des enfants Trandoshans présentaient des affinités avec la Force, il n'était pas courant qu'ils soient amenés au temple Jedi pour y être entraînés. Skeer, cependant, avait non seulement été jusqu'à Coruscant, Mais il s'était aussi distingué en devenant un maître Jedi accompli. Tout était possible. Jorah ne pensait pas avoir besoin de lui au cours de cette réunion du conseil, et elle supposait qu'il le savait lui aussi. Mais Skeer n'était jamais loin, et c'était souvent quand elle pensait ne pas avoir besoin de lui qu'il s'avérait le plus utile. Le Trandoshan lui avait personnellement sauvé la vie à 4 reprises. Et ça n'était sans doute pas fini, pensa-t-elle. La réunion commença, et l'ordre du jour était en effet d'une grande importance. La chancelière de la République, Lina So, avait demandé aux Jedi de participer directement à une mission pour laquelle elle avait autorisé la coalition défensive de la République à traquer, puis à capturer ou éradiquer un groupe de pillards de la bordure extérieure répondant au nom de Nihil. Ces individus avaient interféré avec les hypervoies galactiques dans ce qui semblait être une tentative d'extorsion d'énormes sommes d'argent au système. Si ce n'était pas assez grave, leurs actions avaient eu pour conséquence la mort de milliards de gens et la paralysie d'un large pan de la galaxie. Les Nihil devaient être combattus. La seule question était de savoir quel rôle les Jedi joueraient dans cet objectif. Jorah écouta les divers membres du conseil présenter leurs arguments. Une grande importance était accordée à la nécessité d'interpréter la volonté de la Force, d'écouter la voix de la Force, de suivre les instructions de la Force, et ainsi de suite. Jorah trouvait cela un peu fastidieux, un véritable tourbillon philosophique. Pour elle, c'était très simple. Les Jedi étaient reliés en profondeur au côté lumineux de la Force. Tout choix que faisait un Jedi était par conséquent la volonté de la Force. Leur formation leur permettait de devenir de meilleurs instruments de cette volonté, bien sûr, de la même manière qu'un sabre laser bien entretenu fonctionnait mieux que celui négligé par son propriétaire. Mais se laisser entraîner dans d'interminables débats sur les possibles intentions de la Force conduisait à la paralysie. C'était une perte de temps. Il s'agit d'une intervention militaire, déclara Maître Adam Poe d'une voix forte et il caressa sa longue barbe blanche. Les Jedi ne constituent pas une force armée. Je pense que ce n'est pas plus compliqué que cela. Mais nous l'avons déjà été par le passé, intervint Oppo Rancisis. De fait, nos prédécesseurs ont mené et remporté la Grande Guerre des Sith. On trouve un nombre incalculable de précédents de ce genre dans les chroniques. Exact. Mais nous ne sommes pas en guerre actuellement. Nous vivons même ce qui s'en éloigne le plus, répliqua Rana Kant. Pas le plus, intervint Yarael Pouf. Il y a eu des époques dans notre histoire où l'ordre était réduit à une poignée de membres. Qu'est-ce que vient faire notre histoire dans tout cela ? Protesta Efrushin, la membre la plus récente du conseil, une Mon Calamari choisie par Yoda pour le remplacer lorsqu'il s'éloignait temporairement des affaires du conseil. Nous devrions nous préoccuper de l'instant présent, pas des empires, des victoires ou des défaites d'antan. Quel est notre rôle dans cette république en cet instant précis ? Elle leva une main et ajouta. Je pense que les Jedi devraient en permanence présenter aux nombreux peuples de la galaxie un mode de vie centré sur la paix. Nous devons montrer l'exemple. La République y est particulièrement réceptive en ce moment. Oui, mais nous sommes les gardiens de 2 idéaux, n'est-ce pas ? Intervint Yarael Pouf. Parfois, malheureusement, ils entrent en conflit. Nous devons lutter pour maintenir la paix, mais aussi la justice. Une paix sans justice est faussée, creuse. C'est le genre de paix qu'apportent les tyrannies. Je ne crois pas qu'il y ait eu un seul précédent où les Jedi se soient mêlés des affaires militaires du gouvernement galactique sans que cela n'ait donné lieu à une source intarissable de complications, répliqua Efrou. Est-ce à dire que nous ne devrions nous battre que pour ce qui est simple ? La galaxie n'est pas connue pour sa simplicité, Maître Shin. Intervint le grand maître Larou. Et cela continua de la sorte. Jorah écouta mais ne dit rien, laissant les autres membres du conseil indiquer clairement leur position. Il en résulta que 5 d'entre eux étaient d'accord pour accepter la requête de la chancelière d'inclure des Jedi dans la mission contre les Nihil, tandis que 5 étaient contre. C'était à Jorah que revenait le choix final, ce qui lui semblait approprié étant donné que c'était son vaisseau l'Ataraxia, qui devait accompagner les forces de la République dans leur mission. Les autres membres du Conseil la regardèrent, attendant qu'elle prenne la parole, et c'est ce qu'elle fit. Vous savez que je n'aime pas trop les grands discours. Je préfère l'action. Dans le cas présent, je pense que le choix est assez simple. Il suffit de répondre à la question que je me pose toujours avant de faire quoi que ce soit. Elle regretta une fois de plus que Rhys ne soit pas avec elle en pensant aux enseignements qu'il aurait pu tirer de tout cela. Elle allait devoir les lui transmettre plus tard. « Est-ce que ce que je m'apprête à faire permettra d'apporter plus de lumière à la galaxie ?» Elle étendit les bras et poursuivit. « Dans ce cas-ci, je pense que la réponse est claire. Les Nihil ont tué un nombre incalculable d'individus à travers la bordure extérieure et causé des souffrances sans fin dans leur sillage. Nous devons agir pour empêcher que cela se reproduise. Je vais prendre l'Ataraxia et accompagner la flotte de l'amiral Cronara. » Et ensuite ? Demanda Oporan Sisis. Avez-vous la moindre idée de ce que vous ferez une fois les Nihil trouvés ? Oui, maître Ransisis. La volonté de la force.